إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 6 dans l'explication de la aqida de l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et la semaine passée on a expliqué les deux extrêmes par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec Al-Wa'id et Al-Wa'ad. On a parlé des deux groupes, Al-Murji'a ou Al-Wa'idiyya. Ok? Et aujourd'hui, on continue un petit rappel sur qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée. Et on commence un nouveau point qui est par rapport à la position de l'imam vis-à-vis des Sahaba. Vis-à-vis des Sahaba du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh il dit وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. Donc le Cheikh il parle encore de qu'est-ce qu'il décrit l'aqida des salafs et du groupe sauvé, et il dit que le groupe sauvé, les gens qui ont la croyance du groupe sauvé, ils sont dans le juste milieu en ce qui concerne la foi, l'iman, la question de l'iman, la question de la religion. Ils sont entre les extrêmes qui sont les haruriya, c'est les khawarij, et al-mu'tazila, et les murji'a, et les jahmiya. Donc les haruriya et les mu'tazila d'un côté, et les murji'a et les jahmiya d'un autre côté. D'accord? Comme on l'a expliqué au dernier cours. Donc ça, en même temps, juste un petit point en passant, c'est que ça répond aux gens qui accusent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab de faire partie des Khawarij. Et qui dit que ceux qui disent que les Wahhabiya, sont des Khawarij. Parce qu'on a vu clairement que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lui-même, il dit qu'il ne déclare pas les gens comme étant des kuffars, pour des péchés qu'ils ont faits, pour des grands péchés. Il n'est pas parmi les Khawarij, et il se désavoue des Khawarij. Et il n'est pas parmi les Murji'a non plus. Et on va voir à la fin, il y a des réponses plus précises sur certains points. La seule chose, c'est que le Cheikh, lui, il déclare kafir celui qui a fait un acte shirk majeur, ou une parole ou une croyance de shirk majeur, ou de kufr majeur, et qu'on a établi sur la personne la preuve, et qu'on a établi les conditions et enlevé les empêchements, on déclare que cette personne, elle est kafir. Mais pas pour un péché, d'accord? Pas pour une kabira. Donc maintenant, on va... et ensuite, le Cheikh, il dit que les gens d'Ahl Sunna, les gens du groupe sauvé, ils sont le juste milieu, et ils suivent une position qui est entre les deux extrêmes, et qui est au juste milieu par rapport aux compagnons du prophète, compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont donc entre les deux extrêmes. D'un côté, les rawafid, qui sont les rafida, les shi'a, qui détestent les sahaba, et qui vénèrent Ahlul Bayt, et de l'autre côté, les khawarij, qui font le takfir de certains d'entre les sahaba, ainsi de suite. Donc on va voir les détails de ça. Donc le cheikh il dit قوله الحرورية والمعتزلة الحرورية هم الخوارج سموا بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يقال له حروراء اجتمعوا فيه لحرب المسلمين وسموا بالحرورية وكل من اعتقد مذهبهم يقال له حروري لأنهم على مذهب الحرورية والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. Okay. Donc le cheikh dit que Al-Harouriya et Al-Mu'tazila, quand le cheikh dit ça, Al-Harouriya, il parle de qui? Il parle des Khawarij. On les appelle Al-Harouriya. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis dans un endroit en Irak qui s'appelait Haroura. Ils se sont réunis là-bas dans l'intention de combattre les Sahaba. Donc, à cause qu'ils se sont réunis à cet endroit-là, on les a appelés Harouriya. Ok, à cause de l'endroit. Puis, donc on les appelle comme ça, et le chef il dit, toute personne qui a la même aqidah que les Harouriya, il est un Harouri. Il est parmi les Khawarij, même s'il n'est pas lui-même de ce groupe des Harouriya, de ceux qui étaient là, à cet endroit-là, à ce moment-là. Le chef il dit, أحرورية أنت؟ نعم. يعني إنسان كتب من يبغى عائشة رضي الله عنها، كي لي avait demandé à Aïcha est-ce que la femme, comment ça se fait que la femme, elle doit reprendre les jours de prière et qu'elle, non, les jours de jeûne, pardon, et qu'elle ne doit pas reprendre les jours de prière. Donc, Aïcha رضي الله عنها, quand elle a entendu poser cette question, elle a dit أحرورية أنت؟ هل حرورية؟ هل parmi les خوارج؟ parce que les خوارج ils disent que la femme doit reprendre les jours de prière les jours de prière qu'elle a manqué pendant qu'elle avait ses règles. Non, certains parmi eux oui, et ils sont contre la lapidation, ils n'appliquent pas la règle de la lapidation. Pourquoi? Parce que pour eux les gens qui font le zina, c'est des kuffars. Donc, bien entendu, il n'y a pas de lapidation, il les coupe la tête. Donc, ça c'est pour les Harouriya. En ce qui concerne les Mu'tazila, c'est les gens qui suivent, en fait, c'est vrai que s'ils le lapident, ils vont mourir quand même. Mais bon, c'est vrai, je pensais à ça. Mais je me dis, je ne sais pas pourquoi ils sont contre la lapidation, puisque ça fait partie de l'islam. Oui, aussi, oui. Mais en tout cas, Allahu A'lam, pourquoi ils sont contre la lapidation, je ne sais pas. Mais les ulama ont mentionné que parmi leurs caractéristiques, ils sont contre la lapidation. C'est pour ça, des fois, je me dis, je me demandais si ce n'était pas justement un des signes qui indique en plus que certains individus à l'époque actuelle qui sont contre la lapidation, est-ce qu'ils n'ont pas justement des tendances de ces gens-là parmi les Khawarij, justement du fait qu'ils sont contre la lapidation aussi. Le chef il dit aussi donc aussi Al-Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui suivent Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta, celui qui s'est ressorti, qui a quitté le cours de Al-Hassan al-Basri dans la mosquée. On a parlé de ça au dernier cours lorsqu'on a parlé des Mu'tazila. Donc, ceux-là font partie des gens qui ont dévié, qui sont partis dans un extrême au sujet de la foi. On en a parlé au dernier cours. Ils disent que celui qui fait des grands péchés, il sort de la foi complètement. Le cheikh il dit ensuite, « Wa ahlu sunnati wal wasatun fi jami'i umur al-din, walillahi alhamd, bayna al-ifrat wa al-tafriq. بين الغلو والتساهل كما قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هو العدل الخيار المتوسطة بين طرفين طرف الإفراط والغلو وطرف التفريط وهو التساهل فالإفراط أخذ به الخوارج والتفريط أخذ به المرجئة وأهل السنة وسط ولله الحمد بين هذا وهذا Donc, le cheikh il dit que Ahlus Sunnah il est au juste milieu, wasat, dans toutes les questions de religion, ils sont au juste milieu, ils ne sont pas dans des extrêmes. Mais quand on dit le juste milieu, c'est-à-dire sur la position de la vérité, pas juste entre deux, être entre deux choses, comme certaines personnes aujourd'hui ont essayé de comprendre que c'est-à-dire être au juste milieu, al-wasat, al-wasatiya, pour eux ça veut dire que c'est juste entre deux choses. Mais sans que ce soit la vérité, ou sans définir que ce soit de s'accrocher au texte et aux preuves du Coran et de la Sunna et d'éviter les extrêmes, et de juger de ce qui est le juste milieu par rapport au texte et par rapport à la compréhension des salaf salih, et non pas par rapport à qu'est-ce que les gens ont comme idée dans leur tête, d'être modéré, de ne pas être extrémiste, Parce qu'aujourd'hui, les koufars, ils ont une notion de qu'est-ce que ça signifie être un extrême, et être radical. Ils disent, ceux-là, c'est des musulmans extrémistes, ceux-là, c'est des musulmans radicaux, ceux-là, c'est des fondamentalistes, ceux-là, c'est des intégristes. Mais ils définissent toujours par rapport à leur point de référence à eux, et toujours selon leur compréhension à eux, et jamais en ramenant les choses par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna. Et à la compréhension des ulama de l'islam depuis l'époque des salafs jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils se font leur propre idée de qu'est-ce que c'est un musulman radical selon les critères et compréhensions des principes de leur société à eux. Et si c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien, ça veut dire que, bien entendu, toute personne qui veut être un vrai musulman et suivre le Coran et suivre la Sunna réellement, et comme elle a été comprise et enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par les sahaba, et par les ulama de l'islam depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, c'est normal qu'il va être considéré pour eux comme étant un intégriste, ou comme étant un fondamentaliste, ou un radical, ou quelque chose de ce genre. Tandis que quelqu'un qui va dire, ben ok, il faut respecter les valeurs de l'Occident, il faut suivre les valeurs de l'Occident, il faut accepter la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, la démocratie, la laïcité, et ainsi de suite, ils vont dire, ça c'est un musulman modéré, alors que pour nous c'est un extrémiste, puisqu'il a quitté le juste milieu, il a quitté le juste milieu de l'islam. Donc ça c'est des exemples, Donc nous on doit être au juste milieu, c'est-à-dire sur la vérité, et en même temps entre les deux extrêmes de ceux qui ont quitté le juste milieu, de ceux qui s'accrochent au texte du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire être au juste milieu entre l'extrémiste, les gens qui exagèrent, et ceux qui veulent rendre les affaires trop simples et trop faciles, c'est-à-dire ils veulent rentrer dans la facilité au point où ils prennent les choses à la légère, et ils négligent les choses. Donc le cheikh il dit, il mentionne le verset 143 dans Sourate al-Baqara, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation, une umma, wasatan, c'est-à-dire une umma qui est bien équilibré, et au juste milieu, le cheikh il explique que al-wasat c'est al-adl, al-adl al-khiyar, al-mutawassita bayna tarafayn, c'est-à-dire al-adl, le juste, qui est parmi le juste et le meilleur de quelque chose, c'est-à-dire al-mutawassita bayna tarafayn, celui qui est au juste milieu entre deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent en faire trop, et ceux qui veulent ne pas en faire assez, qui veulent en enlever. Donc ceux qui veulent en rajouter au-dessus de qu'est-ce qui est permis, et ceux qui veulent en enlever en dessous de qu'est-ce qui est ordonné, ou qu'est-ce qui est exigé. Donc, d'un côté, on dit al-ifrat, ceux qui veulent faire trop, al-tafrit, c'est ceux qui veulent pas faire assez. Et ceux qui veulent faire trop, c'est les khawarij, dans la question de la foi, et les murji'a ont pris al-tafrit. Tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a sont entre les deux, le juste milieu, walillah alhamd. Le cheikh il passe ensuite à un autre sujet, c'est la question des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un autre chapitre important parmi les chapitres de qu'est-ce qui a rapport avec la, la, yani la, le manhaj et l'aqidah des salaf. Ok? C'est bien important de le comprendre. Le cheikh il dit, وقوله في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جمع صحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقولهم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وهذا لا يسمى صحابيا مثل النجاشي رحمه الله فإنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه فلا يقال إنه صحابي لما مات ولما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم وصلى عليه صلاة الغائب لشيخ الزي كأن في كونسيرن le chapitre ou la question qui parle de, des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et on dit en arabe ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam donc ashab c'est le pluriel de sahaba ok ashab c'est le pluriel de en fait sahaba c'est aussi un pluriel ashab c'est un autre pluriel il y a, des fois il y a, en arabe il y a plusieurs formes de pluriel et ça c'est un des pluriels As-Sahaba, c'est un pluriel également, et c'est le pluriel de Sahabi. Et le Sahabi, la définition, c'est celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui était croyant en lui lorsqu'il l'a rencontré, et qui est mort croyant, qui est mort croyant. Ça, c'est la définition d'un Sahabi. Donc, les chefs, ils disent, quand les ulama disent, celui qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça exclut les gens qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, mais qui ne l'ont pas rencontré. On ne les appelle pas des sahaba. Donc si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui croyait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en l'islam, mais qui n'a pas rencontré personnellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas appelé un sahabi dans ce cas-là. Ok? Comme par exemple, An-Najashi. Najashi c'était le roi à l'époque en Éthiopie, et bien il a cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutefois il ne l'a pas rencontré en personne, donc on ne dit pas à son sujet qu'il est un sahabi, mais lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à ses compagnons sa mort, et il a dit à ses compagnons, qu'est-ce qu'il a fait, il est sorti avec ses compagnons, et puis il a prié sur le Najashi la prière de l'absent, la prière de l'absent, al-ra'ib, ok, ça c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih al-Muslim. Après, le Cheikh il dit, il explique la suite de la définition, « Man laqiya al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, yakhruju bithalika man laqiya al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa lam yu'min bihi, fa inna al-kuffara laqu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » لقوه ورأوه واجتمعوا به. Donc ici il y a une autre la suite, c'est que il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il croyait en lui quand il l'a rencontré, ça exclut toute personne qui l'a rencontré sans croire en lui, comme les koufars à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le rencontraient et ils s'assoyaient avec lui, ils se réunissaient avec lui, on ne les appelle pas les sahaba eux aussi. ومات على ذلك يخرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصار صحابيا ثم ارتد فإنه تبطل صحبته وتبطل جميع أعماله من الصحبة وغيرها إذا مات على الردة قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما لو تاب الله عليه وعاد إليه الصحبة وجميع الأعمال التي فعلها قبل الردة على الصحيح لأن الله تعالى قال فيمت وهو كافر فدل على أن الذي يموت ولا يموت على الكفر فدل على أن الذي يتوب ولا يموت على الكفر أنه لا تحبط أعماله لا تحبط أعماله لأن الله شرط لحبوط الأعمال شرطين الأول أن يرتد والثاني أن يموت على أن يموت وهو كافر فإذا فهذا هو الذي يحبط عمله من الصحبة وغيرها لشيخ الدي كلمة sur l'islam, c'est-à-dire il meurt en ayant toujours la foi en l'islam après avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cheikh il dit donc celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui mais il est c'est-à-dire là dans ce cas-là il est sahabi un sahabi mais jusqu'à par contre s'il il apostasie l'islam le sahabi alors dans ce cas-là toutes ses actions et toutes son le fait qu'il soit parmi les sahaba c'est tout ça c'est annulé Hein, il le perd. Hein, il perd toutes ses actions, toutes ses œuvres, et sa suhba aussi, elle disparaît. C'est-à-dire, c'est annulé. Et il mentionne des versets à ce sujet-là, comme le verset 217 dans Surat al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et celui qui yani, rejette la foi ou qui est apostasié de sa religion et qui meurt mécréant, alors ceux-là, Allah annule leurs œuvres, les rend vaines. Dans cette dunya et dans l'au-delà. Et ceux-là sont les compagnons de l'enfer, et ils y demeureront éternellement. Et si le cheikh il dit, si ils se repentent, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentir, il va leur redonner leur suhba. C'est-à-dire, il leur redonne, yani, leur qualité d'être un compagnon. Na'am barakallahu fik. Et toutes les œuvres qu'ils avaient fait auparavant, avant d'apostasier l'islam, hein, selon la position qui est la bonne, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fayamut wa huwa kafir. C'est-à-dire, il meurt alors qu'il est kafir. C'est-à-dire, il meurt kafir. Dans ce cas-là, ça prouve que celui qui meurt, celui qui meurt et qui ne meurt pas sur la mécréance, ses actions ne seront pas annulées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis deux conditions pour que les œuvres d'une personne soient annulées complètement. Il y a deux conditions. La première condition, c'est qu'il apostasie. Et la deuxième condition, c'est qu'il meure mécréant. S'il se repent avant de mourir, ses œuvres seront calculées et elles sont retournées. C'est-à-dire, elles ne vont pas être complètement annulées. Il va retrouver les actions qu'il avait faites avant d'apostasier l'islam. D'accord? Et il retrouve également la qualité qu'il a d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est apostasié et qui meurt mécréant, lui, ses œuvres sont complètement annulées par contre. Et il n'est plus un sahaba. Non. Et le cheikh il dit ça c'est pour ceux qui sont compagnons ou autres. Non. Ça c'est al-mukhadram, on l'appelle, je pense. Et non, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui n'a pas cru en lui durant sa vie, il a cru en lui uniquement après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que la façon comment les ulama le nomment cette personne, c'est al-mukhadram. Hein? Na'am barakallahu fik. Donc le cheikh il dit al-wajib, wal-wajib ala al-muslimin. Oui, il y en a eu. Oui, il y en a eu comme ça, oui. Dans les livres de hadith, dans les livres de mustalah, vous en trouvez des noms mentionnés par les ulama des catégories de sahaba, des catégories de personnes qui font partie de ceux-là. الشيخ يقول والواجب على المسلمين في حق الصحابة محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم وإكرامهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وتلقوا العلم عنه وبلغوه للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم اقتدوا بهم وساروا على نهجهم بإحسان لا يتبعون الصحابة دون معرفة لمذهبهم فهذا اتباع بغير إحسان والإحسان معناه الإتقان والإتقان لا يكون إلا لمعرفة الشيء وفقهه فما كل من انتسب إلى الصحابة وقال أنا على مذهب السلف يكون كذلك حتى يكون متحسنا حتى يكون محسنا يعني متقنا لهذا الاقتداء وهذا لا يحصل إلا بالتعلم ولا يحصل بمجرد الانتساب أو بمجرد الرغبة في الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو المحبة للخير لا بد أن تعرف ما عليه الصحابة معرفة تامة ثم تتابعهم عليه أما مجرد الانتساب من غير تحقيق فلا ينفع donc le cheikh il dit l'obligation qu'on a nous musulmans en tant que notre obligation en tant que musulmans c'est d'aimer les sahaba hein ils ont un droit sur nous et leur droit c'est quoi c'est qu'on les aime qu'on les prenne comme exemple OK et qu'on fasse des éloges d'eux c'est-à-dire dans le sens que on wasana alayhim parler en bien de eux et de les honorer parce que ce sont les sahaba ce sont les compagnons du messager Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est ceux qui ont lutté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont reçu la science de lui directement et qui l'ont transmis pour le reste de la umma que Allah se satisfait d'eux hein wa ardahum après le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit les sahaba dans le Coran et il dit à leur sujet dans le verset 5 de la sourate Tawba السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون c'est-à-dire السابقون c'est ceux qui ont devancé tous les autres الأولون qui ont été les tout premiers dans la foi parmi les muhajirin ceux qui étaient à Mecca qui sont venus à Médine ils ont émigré donc on les appelle les muhajirin والأنصار et ceux qui étaient à Médine qui sont les habitants de Médine à la base et qui ont cru en l'islam, qui ont supporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits de lui. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà l'énorme succès. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait d'eux. Et ils ont comme récompense le paradis et ils auront d'énormes succès. Donc le cheikh il explique ce verset-là, il dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ et ceux qui les ont suivis بِإِحْسَانِ et on va voir ce que ça veut dire. Le cheikh il dit اتَّبَعُوهُمْ qui les ont suivis, qui ont pris les sahaba comme exemple, comme modèle. Ok? Et وَسَارُوا عَلَى نَهْجِهِمْ et qui ont suivi leur voie. Hein, leur voie. بإحسان c'est-à-dire de la meilleure manière c'est-à-dire ils ne suivent pas les sahaba sans connaissance sans connaître c'était quoi leur voie c'était quoi leur chemin les sahaba ils suivent les sahaba mais avec connaissance et avec compréhension ok et c'est ça que ça veut dire de les suivre بإحسان tu dois pas les suivre n'importe quelle façon tu dois les suivre de la meilleure façon avec la compréhension et avec la science et non pas de les suivre sans ihsan. Il explique le cheikh al-ihsan, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que ça veut dire al-itqan. Al-ihsan ou al-itqan. Al-itqan, ça dit de maîtriser quelque chose, de parfaire quelque chose, de le faire de la meilleure manière. Donc c'est ça que ça veut dire al-itqan. Et tu peux pas arriver à maîtriser la façon dont tu les suis et à le connaître de la meilleure façon et de le faire de la meilleure façon, excepté si tu as bien connu cette chose-là et que tu l'as bien compris. Donc, pour suivre les Sahaba, tu dois connaître leur voie et tu dois bien la comprendre, leur voie également. Donc, c'est pas toute personne qui dit « je suis les Sahaba », ça veut dire qu'il est vraiment en train de suivre les Sahaba. Hein? C'est pas tout le monde qui dit « je suis en train de suivre la voie des Sahaba » que ça veut dire que c'est vrai. Regardez comme par exemple, vous allez voir des gens de Jamaat Tabligh, hein, et quand vous les regardez dans leur apparence extérieure, avec le qamis, avec la barbe, avec le turban, ou bien avec d'autres exemples de vêtements qu'ils portent, qui sont des vêtements qui ressemblent aux vêtements, hein, des gens qui sont sur la sunna, eh ben, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça, c'est vrai en apparence, tu dirais que tu vois ces gens-là, tu dis, ah, mashallah, ils suivent l'exemple des sahaba. Mais dans la réalité, tu vois qu'ils ne suivent pas la foi des sahaba. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent la foi des sahaba dans beaucoup d'autres aspects qui sont beaucoup plus fondamentaux, hein, dans la aqidah et dans le manhaj, de leur façon de suivre l'islam et leur compréhension de l'islam, c'est tout à fait contraire à ça. Parce que déjà en partant, le tawhid, ils ne donnent pas d'importance à ça, alors que c'est la base de tous les de la da'wah de tous les prophètes et de tous les messagers. Hein? Et la ilaha illallah, ils ne le comprennent pas comme il faut. Hein? Et leur façon de comprendre la signification de la da'wah, ils ne la comprennent pas. Ils n'avertissent pas les musulmans contre le shirk, contre les bid'ah, contre le kufr et contre les différentes catégories et toutes les différentes formes de ces choses-là. Hein? Et ils n'avertissent pas non plus les musulmans contre les sectes et contre les égarements. Ils n'enseignent pas non plus aux musulmans le fiqh et les ahkams et les règles de la religion. Ils se concentrent uniquement sur certaines qualités et certains points qu'ils font comme ça constamment sans retourner les gens aux ulama et sans ramener les gens à la science de l'islam. Hein. Donc c'est un groupe et une tendance qui est axée sur la tendance de qu'est-ce qu'on appelle la tasawwuf ou bien la soufia. Hein, et ils encouragent les gens vers le soufisme, directement ou indirectement. Donc, ils ne sont pas sur la voie des Sahaba, même s'ils prétendent, hein, vouloir les suivre. Donc, suivre les Sahaba, c'est pas juste une question de s'habiller d'une certaine manière, si on n'a pas bien compris, comme on a expliqué déjà, les principes et les fondements. Le cheikh, il dit, وقال أنا على مذهب السلف. C'est pas toute personne qui dit « moi je suis sur la voie des salafs » que ça dit qu'il est réellement sur la voie des salafs. Premièrement, il faut connaître qu'est-ce que c'est la voie des salafs, et il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie de suivre la voie des salafs. Si quelqu'un ne connaît pas qu'est-ce que c'est, il ne sait pas ce que ça signifie, il va pas être capable de les suivre. Et ça c'est la preuve de qu'est-ce que vous voyez déjà actuellement, qu'est-ce qui se passe dehors. Parce que quand tu dis aux musulmans « moi je suis salafi, je suis la voie des salafs », mais ils répondent, hein, quand ils sont parmi les Ikhwan ou les Tablir ou les Ahbash ou d'autres groupes, ils disent, mais nous aussi on suit la voie des Salaf, on suit tous les Sahaba, on suit tous la Sunna. C'est ce qu'ils s'imaginent, parce qu'ils ne connaissent pas la voie des Sahaba, donc c'est normal que puisque tu la connais pas, tu ne peux pas la suivre. Et c'est pour ça que le devoir des Tulab al-Ilm et des Ulama et des Tulab al-Ilm et des gens qui ont étudié l'Islam et qui connaissent les principes des Salaf, c'est leur devoir, c'est d'expliquer aux musulmans c'est quoi ces principes-là, et c'est quoi la compréhension des salafs, et c'est quoi le manhaj des salafs. Pas juste de leur répéter le mot salaf et de leur dire salaf, mais de leur enseigner réellement les fondements et les principes de cette aqida et de ce manhaj, pour que les gens puissent par la suite le suivre comme il faut, avec connaissance et compréhension. Hein? Donc ça c'est très important. Donc يكون انا يعني وقال انا على مذهب السلف يكون كذلك hein. يعني c'est pas n'importe qui dit je suis salafi ou je suis sur la voie des salafs qu'il est réellement salafi, jusqu'à ce qu'il soit quelqu'un qui l'ait compris, qui l'ait maîtrisé, يعني يكون حتى يكون محسنا, jusqu'à ce qu'il les ait suivi بإحسان محسنا ويعني يعني متقنا لهذا الاقتداء C'est-à-dire qu'il les suit, mais il les suit avec une maîtrise, avec une compréhension, avec une connaissance. Et ça, tu peux pas y arriver excepté en étudiant. Hein? Tu peux pas y arriver excepté en étudiant cette voie-là. La science, là, elle ne vient pas toute seule. Tu peux pas juste rester assis et puis la science rentre dans ta tête ou dans ton cœur tout de suite, comme ça, comme certains soufis. Ils disent, non, t'as pas besoin d'étudier. Tu n'as pas besoin d'aller voir des ulama et de t'asseoir avec eux dans des tourous pendant des années, des années, des années. Non. Tu restes avec nous, tu vas voir, tu fais le zikr et tout. Allah va te mettre la science dans ton cœur toute seule, directement, comme ça. Hein? Tu n'as pas besoin. Des fois, tu entends des gens comme ça qui parlent de la science. Ils disent, ah, mais non, il y a des gens qui vont étudier les sciences islamiques, qui connaissent des hadiths, qui connaissent des versets. Et puis, après, tu les vois, ils travaillent pas, ils font rien, soi-disant, comme ça, ils parlent. Il y en a un qui disait une fois même, il y a quelqu'un qui a étudié l'islam, il y en a 5 minutes, il connaît plus que ceux qui ont étudié pendant des années et des années la charia et l'islam. Donc, c'est une manière qu'ils ont de dénigrer la science, de décourager les gens d'étudier la religion musulmane et de couper les gens des savants de l'islam. Et ça, c'est une des plus grandes méthodes des hizbiyyin, des gens de bid'a à l'époque actuelle, de discréditer les ulama et d'éloigner les gens des savants de l'islam pour les décourager de prendre leur science des hommes de science parmi les ulama de l'islam. Et ça, c'est un des meilleurs moyens qu'ils ont trouvé pour couper la voie aux gens pour qu'ils n'avancent pas dans leur religion. Les cheikhs, ils disent donc que c'est pas juste en disant moi je suis salafi ou je suis sur la sunna. Non, c'est pas juste de le dire. Il faut réellement que tu pratiques et que tu suives réellement ces choses-là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et c'est pas juste aussi non plus de vouloir, hein. Il y en a des gens qui veulent, c'est vrai, ils veulent être sur la voie des salafs, mais c'est pas suffisant juste de vouloir et de l'aimer. Il faut faire les efforts, il faut faire de l'étude, et il faut se fatiguer là-dedans. Hein? C'est comme quelqu'un par exemple qui veut devenir médecin. Il peut pas devenir médecin juste si il va dire j'aime la médecine et puis il commence à se dire moi oui je suis médecin. Hein? Ou bien j'aime la médecine. Non, ça suffit pas. Tu dois l'étudier, tu dois prendre des années d'études et te fatiguer là-dedans pour à la suite, à la fin, arriver à ce niveau-là. Hein? La médecine alternative. Ouais, c'est un arracheur dedans, oui. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, mais c'est comme dans les pays musulmans. Ici, tu vas te faire circoncire, t'es obligé d'aller voir un médecin. Dans les pays musulmans, c'est le barbier qui va te circoncire. Non? Ah non, maintenant c'est changé? Ah, d'accord. Ah, maintenant c'est à l'hôpital aussi? Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Ah, ok, d'accord, je suis là. Non. Donc, Donc, le chef, il dit, il faut absolument, c'est pas juste assez que tu aimes le bien, que tu veux le bien, que tu aimes le bien. Tu aimes les salafs, tu aimes la voix des salafs. Non, c'est pas suffisant de les aimer. Il faut étudier, il faut l'apprendre, tu n'as pas le choix. Donc le cheikh il dit, il faut que tu connaisses ce que suivaient les sahaba, que tu le connaisses d'une manière complète et parfaite et correcte, hein, et que tu les suives dans cette voie-là. Et non pas seulement de dire, oui moi je suis salafi. Il y a plein de gens comme ça aujourd'hui, ça devient une mode des fois. Hein. C'est pas juste donc de dire, moi je suis salafi. Ben oui, exactement. Maintenant, vous avez des soi-disant des djihadis ou des takfiris ou des gens qui sont sur la voie des khawaris et ils osent prétendre qu'ils sont des salafis. Le groupe salafi armé, oui. ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à voir, ni de près, ni de loin avec les salaf. Hein? Ni dans l'aqida, ni dans le manhaj, ni dans quoi que ce soit. Mais ils osent prétendre. Pourquoi? Parce que dans le mot, dans le terme salafi, il y a une noblesse là-dedans. Il y a une honneur là-dedans. Et donc tout le monde veut avoir quelque chose de ce titre, hein, de cette attribution-là, de dire salaf, parce que c'est une honneur d'être sur la voie des salaf. Parce que les salaf, c'est les sahaba. Hein? Donc tout le monde veut avoir une part de cette noblesse-là, de s'attribuer le fait de suivre ces gens-là. Mais c'est pas tout le monde qui mérite cette appellation-là. Et c'est pas simple, c'est pas facile juste de dire comme ça, je l'ai, puis ça y est. Non. Sinon, ce serait trop facile. Il faut, pour être sur la voie des salaf, réellement connaître la voie des salaf. Hein? Donc ça, c'est important. Et le cheikh, il dit par la suite, فقوله والذين اتبعوهم بإحسان أي لم يغلوا ولم يتساهلوا في متابعة الصحابة رضي الله عنهم هذا هو الإحسان يكون بين الغلو وبين التساهل c'est-à-dire واتبعوهم بإحسان ceux qui les ont suivis de la meilleure façon c'est-à-dire ils n'ont pas eu d'extrême ils n'ont pas exagéré dans la façon de le suivre dans le sens qu'ils n'ont pas exagéré ils n'ont pas fait trop n'ont pas essayé de dépasser les sahaba et non plus ils n'ont pas eu des négligences ou de laisser aller dans le sens qu'ils ont essayé de faire moins que ce qui est obligatoire de faire et ils ont pris la facilité, ils n'ont pas suivi exactement les sahaba. Donc c'est ça, d'être entre l'extrême et la légèreté, yani, le laisser aller. Donc ça c'est être entre les deux, c'est ça de suivre les salaf de la meilleure façon. Et donc ça c'est un point important. Donc il faut être entre l'extrême et entre al-ghulu et entre at-tasahul. Ok. Oui, c'est que lorsque vous regardez les khawarij à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, c'est des gens qui ont dénigré les sahaba. Les khawarij à l'époque, à l'époque des Sahaba, les Khawarij, c'est des gens qui dénigraient les Sahaba. Comme aujourd'hui, vous voyez, les Khawarij, ils dénigraient les ulama. De la même manière qu'à l'époque des Sahaba, les Khawarij, ils dénigraient les Sahaba. Et les ulama parmi les Sahaba aussi. Ils les considéraient comme des gens qui n'avaient pas compris l'islam, qui n'étaient pas arrivés au niveau. Hein, comme eux. Et ils égorgeaient les sahaba. Ils les tuaient les sahaba en croyant qu'en faisant ça, ils allaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient qu'ils avaient mieux compris l'islam que les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disaient aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux sahaba, quand ils les appelaient, quand ils parlaient dans le combat, ils disaient, Ya a'da Allah, ils disaient aux compagnons, aux sahaba, ils disaient, ce sont des ennemis d'Allah. Hein? Ils appelaient les sahaba des ennemis d'Allah, des kuffars. Hein? Et ils disaient qu'ils ne jugeaient pas selon la loi d'Allah. Hein? Et ils les critiquaient de toutes sortes de critiques, de toutes sortes de choses. Donc, c'est des gens qui n'ont rien compris de l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran, il le récitait, mais ça ne dépassait même pas leur gorge. Hein? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'époque actuelle, c'est la même chose pour les Khawarij. Ils vont dire, aujourd'hui, les meilleures paroles au monde, quand vous les entendez parler, c'est des jeunes, ça ne fait rien. Hein? Et puis, ils parlent de takfir, ils déclarent kuffar, tout le monde, les ulamas, les hukam, tout le monde, les musulmans, facilement, ils les font sortir de l'islam avec la facilité. Hein? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit dans un de ses durus, quand il parle du takfir, du danger du takfir, il dit, déclarer un musulman kafir, c'est pire que de le tuer. Hein? C'est pire que de le tuer. Donc, comme ça, avec facilité pour eux, ils font le takfir d'un musulman comme si c'était la moindre des choses. Comme si c'était un détail insignifiant et futile. Hein? Donc, ça nous montre le danger de ces gens-là. Le Cheikh, il dit, waqala, صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من أثر السجود وهذه صفات الصحابة رضي الله عنهم ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. الشيخ il dit que Allah سبحانه وتعالى il a décrit les sahaba dans le Coran. Il mentionne le verset 18 dans sourate Al-Fath. Allah a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance sous l'arbre. Lorsqu'ils ont donné l'allégeance au messager en dessous de l'arbre. Bay'at al-Aqaba. Quand il a donné la bay'a, Allah il dit dans le Coran qu'il était satisfait des sahaba à ce moment-là. Ça, c'est une réponse que vous pouvez donner à des gens qui sont parmi les shi'a rafida. Parce que les shi'a rafida, ils insultent les sahaba. Ils insultent les sahaba. Et la plupart d'entre les shi'a, ils sont des ignorants. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas leur propre religion. Ils ne connaissent même pas la religion des shi'a. La plupart d'entre eux. Ils ne font que suivre aveuglément. Vous avez vu certains des musulmans parfois qui suivent un madhab aveuglément, qui ne font que répéter ce que les gens leur disent de faire. Comme par exemple dans certains pays musulmans, vous allez voir certains musulmans, ils ne font que répéter et suivre faire des gestes et des mouvements et répéter des choses d'une certaine façon que leurs parents leur ont enseigné. Ils n'ont jamais su où est-ce que c'est écrit dans le Coran, ni dans la Sunna, ni rien. Ben, parmi les chiens, vous avez des gens qui sont pires que ça encore. Donc, ces gens-là, on leur a dit souvent que les sahaba sont mauvais et qu'ils ont volé les droits qui appartiennent à Ahlul Bayt, la famille du prophète, Ali, radiallahu anhu, Fatima, radiallahu anha, et les descendants, et ainsi de suite. Donc, eux, ils pensent que nous, on les déteste et ils pensent qu'on est contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est important de leur clarifier, de leur expliquer qu'au contraire on les respecte et on les aime. Et qu'on dit radiallahu anhum. Et on dit que celui qui les aime pas, il n'est pas croyant. Celui qui les aime pas, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les croyants, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les aime pas, il n'est pas un musulman, il n'est pas un croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça clairement dans les hadiths. Donc c'est pour ça que ces gens-là, il faut leur faire comprendre ça. Et il faut leur faire comprendre que nous, on ne fait pas de distinction entre les sahaba. On les aime tous, sans exception. On leur dit, vous détestez les sahaba et vous aimez seulement Ahlul Bayt. Nous, on aime tous les sahaba, et en particulier Ahlul Bayt. On les respecte. Mais on n'insulte aucun d'entre eux. On les aime tous. Et c'est pas vrai ce que vos imams vous racontent au sujet des sahaba, c'est des mensonges. Ce que vos imams vous disent au sujet des sahaba, c'est des mensonges. Ils vous disent qu'il y avait des problèmes entre Abu Bakr et Ali, entre Omar et Ali, radiallahu anhum, entre Othman et Ali, radiallahu anhum, et les autres Ahlul Bayt. Non, c'est pas vrai ça. Tout ça, c'est des mensonges que les chiens ont inventés pour faire de la fitna et faire de la division. Et le premier qui a inventé ça, c'était un juif qui s'appelait Abdullah ibn Saba, qui vient du Yémen. C'est lui qui a commencé cette fitna entre les musulmans. À la base, il n'y avait aucun problème entre les musulmans de cette catégorie, de cette sorte. Donc ça, c'est un rappel que vous pouvez expliquer. Et si vous leur mentionnez les versets comme ça, « لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » Allah était satisfait des croyants lorsque il a pris, il était satisfait des croyants, c'est-à-dire les sahaba, lorsqu'il a donné l'allégeance, lorsqu'ils ont donné l'allégeance sous l'arbre. Ça, c'est une preuve que Allah est satisfait des sahaba, Et l'autre verset qui décrit aussi les sahaba, c'est le verset 29 dans Surat Al-Fath, dans le même verset, dans la même surat. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les koufars, et miséricordieux entre eux. tu les vois qui se prosternent, hein, qui s'inclinent, qui se prosternent, recherchant une grâce et une satisfaction de leur Seigneur. Tu vois les signes de prosternation dans leur visage, hein, ça fait partie des caractéristiques des Sahaba, radiallahu anhum, et voilà leurs descriptions et leurs attributs dans la Torah, yarhamukallah. Et la même chose dans l'Injil, dans l'Évangile, on les mentionne, on fait une parabole à leur sujet en disant qu'ils sont comme une plante qui sort de la terre et qui, أخرج شطأه فأزره. Le cheikh il va l'expliquer plus tard dans la suite, il donne le tafsir de ce passage-là. Je veux juste vous mentionner la traduction telle qu'elle est dans le texte en français, dans la traduction qu'ils ont fait, pour essayer de vous donner un rapprochement de la signification. Puis après, à partir de ça, on va lire le tafsir que le cheikh a fait par la suite de ce verset-là. C'est très, très intéressant. Bon. Il dit, et l'image qu'on donne d'eux dans l'Évangile, dans l'Injil, c'est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, hein, à l'émerveillement des semeurs. Ok. Et puis on va lire la suite, qu'est-ce que le cheikh dit maintenant. Le cheikh dit, « As-sahaba awwalu ma bada'a l'islam kanu afradan qalilin. » سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة من معك على هذا الأمر قال حر وعبد حر يعني هو أبو بكر وعبد يعني هو بلال هذا أول ما بدأ الإسلام لم يكن معه صلى الله عليه وسلم إلا قليل كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الإسلام على هذا المبدأ الذي يعني بدأ على هذا المبدأ ثم تكاثر الصحابة حتى بلغوا مبلغ الكمال. الشيخ الزي les sahaba au tout début ils étaient quelques individus très très très peu nombreux, hein. On a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, quelqu'un est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم alors qu'il était à Mecca. Ils lui ont demandé, qui est avec toi dans cette chose que tu à laquelle tu appelles les gens, hein. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hurun wa abd. Un homme libre et un esclave. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Hein? Donc c'est pour dire, aujourd'hui, tu vois des gens, par exemple, qui viennent te voir et disent, hey, mais, Harry, tu penses que c'est juste toi qui es sur le haq? Et tous les autres musulmans sont pas sur le haq? Juste toi qui es sur la sunna, les autres sont pas sur la sunna? Il dit, Harry, imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demande, sur la terre entière, c'est qui est-ce qui est avec toi dans ton affaire, qu'est-ce que tu es en train d'appeler? Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est seulement ces individus-là, seulement ces trois-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Bilal, c'est seulement ces trois-là qui sont sur le haq. Tous les autres êtres humains sur la terre entière sont dans l'égarement, et dans l'égarement. Donc aujourd'hui, hein, c'est vous seulement les salafis que vous êtes sur le haq? Hein, vous pensez que vous détenez la vérité absolue, hein? C'est comme ça qu'ils nous parlent. Et oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est uniquement les gens qui sont sur la voie des salafs, qui sont sur le haq. Hein? Et puis par la suite, il y a des degrés d'égarement. Il y en a qui sont dans la bid'a, il y en a qui sont dans l'ignorance, il y en a qui sont dans l'égarement, il y en a qui sont dans le shirk, il y en a qui sont dans le kufr, à des degrés. Hein? Mais ceux qui sont sur le vrai islam, sur le tawhid, sur le haq, c'est les gens qui sont sur la voie des sahaba, sur la voie des salaf salih. C'est eux qui sont sur le haq. Hein? Et le cheikh, il mentionne le hadith qui dit, l'islam est commencé d'une façon étrange. Et elle va redevenir étrange comme elle était au début, comme elle a commencé. Alors annoncez la bonne nouvelle à ceux qui sont des étrangers. Hein, ça c'est l'époque actuelle, hein, Allahu a'lam, mais il y a beaucoup de choses qui montrent que on se sent comme des étrangers parfois quand on veut s'accrocher à l'islam, hein, al-ghuraba. Donc l'islam au début c'était comme ça, il y avait des bases, hein. L'islam est commencé comme ça, étrange, puis les sahabas se sont augmentés en nombre jusqu'à ce qu'ils deviennent un nombre, hein, masha'Allah, par la suite, très bien, un nombre, un grand nombre de croyants. Et donc le cheikh il explique, il dit « Wa qawluhu ta'ala kazar'ihi » كزرع أخرج شطأه يعني فراخه فالحبة الواحدة أول ما تظهر تكون قصبة واحدة ثم تفرخ تفرخ ويصير بجانبها فراخها الصحابة كذلك أول ما نشأوا كانوا قلة ثم تكاثروا مثل ما يتكاثر الزرع بالفراخ كزرع أخرج شطأه فأزره يعني قواه وأيده فاستغلظ فاستوى على سوقه ارتفع على قصبه يعجب الزراع يعني من حسنه وهذه صفة الصحابة لشيخ ليكس فيرسلا إلزين كزرع أخرج شطأه يعني comme une pousse, comme une plante, comme une semence que tu as plantée dans la terre, hein, elle commence à pousser, puis qu'est-ce qu'elle fait après? Il y a d'autres graines de cette plante qui tombent autour, et il y a d'autres plantes qui poussent à côté d'elle par la suite. Et chacune d'entre elles qui pousse, commence à pousser, elle en fait sortir d'autres, poussent aussi. Parce qu'elle jette des graines autour et ça en fait pousser d'autres. Et donc, au début, elle était toute peu nombreuse, elle était juste une. Et après, il y en a plein d'autres qui sont venus autour d'elle. Hein? Et c'est la même chose avec les Sahaba. Au tout début, ils étaient peu, ils étaient une seule tige. Puis après, ils commencent à se multiplier et à devenir de plus en plus nombreux. Okay? Et c'est comme ça. Hein? Les forêts, comment vous pensez que les forêts sont commencées? C'est comme ça. Les tiges commencent à pousser, et puis après, autour de cet arbre, il y a des semences qui tombent, et puis ça fait pousser d'autres arbres, et puis chaque arbre par la suite commence à en faire pousser d'autres autour, et puis ça augmente le nombre de plus en plus comme ça. Puis après, le cheikh il dit, فَأَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَنْزَرَهُ hein? Et donc, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus supportée par les autres. Ok? فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Elle devient de plus en plus épaisse et plus en plus solide et elle se tient de plus en plus élevée sur sa tige. يُعْجِبُ الزُّرَاعَ. Elle éblouit le cultivateur ou celui qui fait pousser ses plantes ou ses arbres. Parce qu'elle est belle, hein, elle éblouit. Ça, c'est la description qu'on donne des Sahaba. Hein, comment elle pousse. Eh bien, c'est comme ça, les mu'minines. Au début, ils sont peu, ils poussent lentement. Tu les vois, au début, elle est faible, elle est fragile, la plante. N'importe quoi, tu peux piler dessus, elle va s'écraser. Mais elle commence à augmenter, à pousser encore, il y en a d'autres qui poussent autour, et ça grandit, ça grandit, regardez aujourd'hui, hein, c'est comme ça. Donc après le cheikh il dit, « لِيَرِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّارِ »« لِيَرِيْضَ بِالصَّحَابَ الْكُفَّارِ »« لِيَرِيْضَ بِالصَّحَابَ الْكُفَّارِ »« فَالَّذِينَ يَغْضَبُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَيُبْغِضُونَهُمْ هُمُ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ » واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن من يبغض الصحابة فإنه كافر لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار وقال صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وصفهم بأنهم بهذه الأوصاف العظيمة ثم قال أولئك هم الصادقون ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في صفة الأنصار. الآية الأولى في صفة المهاجرين وهذه في الأنصار. ثم قال في التابعين والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم هذا وهذا يشمل من جاء من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يعني غلا يعني بغضا بغضا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة. الشيخ explique, il dit, ليغيظ بهم الكفار, c'est-à-dire cette description que vous avez vue tout à l'heure qu'on a donnée des Sahaba, cette description des Sahaba, quand les kuffar, quand les croyants voient ça, ça, hein, ça ils sont éblouis de ça, ils aiment ça, ils voient que c'est beau. Mais quand les kuffar voient ça, eux, ça les met en colère et ça les enrage de voir les mu'minines. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, même le cheikh il dit, il donne un exemple, on va en parler après, mais juste pour en passant, vous voyez que les kuffar, quand ils voient des vrais musulmans, des vrais pratiquants de l'islam, qui suivent le Coran, qui suivent la sunna, selon la compréhension de l'islam, hein, qui se mettent autour des ulama, qui yani, essaient d'apprendre leur religion et de l'appliquer, hommes comme femmes, hein, que les femmes qui portent le djilbab, les sitar, les niqab et tout, qui se couvrent comme il faut, et les hommes qui pratiquent aussi, quand les kuffars les voient, ça les met dans, la rage dans le cœur, même si on n'a rien fait, hein, hein, ça les met la rage dans le cœur de voir ça, ça les enrage, même si ils n'ont rien fait de mal, ils n'aiment pas voir ça. Ouais, ben ça c'est un exemple aussi, mais c'est juste... Oui, il y a ça aussi, c'est ça, même ici, quand tu vois des musulmans qui marchent dans la rue, là, un homme qui porte sa barbe, khamis, la femme qui porte djilbab, sitar et tout, qui se couvre de la tête aux pieds complètement, eh bien, tu vas voir la réaction des gens. Même si on n'a rien fait, on n'a rien dit, on ne les a pas insultés, on n'a pas fait d'injustice ou de mal, ils détestent cette chose-là, ils commencent à avoir la rage contre les musulmans à cause de ça. Ça c'est la preuve de ce que Allah dit dans ce verset-là. N'y arrive pas des kuffars. C'est la preuve que ceux qui essaient de dire, par exemple, on veut que les kuffars nous aiment, on veut que les musulmans, que les kuffars nous acceptent, hein, on veut essayer de faire ci, on veut essayer de faire ça. Si vous essayez de faire ça, c'est uniquement parce que ça veut dire que vous êtes en train de faire des compromis avec votre religion. Vous voulez leur faire plaisir pour qu'ils vous aiment, mais ils vont jamais vous aimer. Sauf si vous devenez mécréant comme eux. Ça, c'est la réalité. Hein? Parce que même si vous leur faites du bien et que vous leur montrez le bien et que vous les appelez au bien, s'ils ne sont pas sincères, ils ne vont pas accepter. Ils vont pas, et s'ils ne sont pas sincères, ils ne vont pas vous aimer. Mais ceux qui vont vous aimer parmi eux, parmi les koufas, c'est les gens qui ont la raison, qui aiment la vérité, qui aiment le bien. Et quand ils vont vous voir sur la vérité, ils vont dire ceux-là, c'est des gens qui sont sur la vérité. Ils vont dire, on veut se rapprocher de ces gens-là pour les connaître, pour essayer de connaître cette religion-là qu'ils suivent, et essayer de la comprendre, et essayer d'y croire et de la pratiquer. Ceux-là, ils vont se rapprocher et ils vont aimer les croyants. Mais les gens qui aiment pas la vérité dans leur cœur, et qui sont ennemis de la vérité dans leur cœur, lorsqu'ils voient ces gens-là, ils vont pas accepter ça, ils vont pas aimer ça. Hein? Et il y en a qui veulent dire, mais étant donné qu'on veut se faire accepter, on va pas en faire trop, hein. On va donc prendre une voie entre les deux, hein. On va pas mettre le vrai hijab, on va mettre des jeans, avec un petit foulard rouge, hein. Puis on va se mélanger avec les hommes, hein. On va être un peu cool, hein. Les musulmans relax, hein, pour se faire aimer. On va pas laisser la barbe trop longue, on va la raser juste, on va la laisser pas plus que 2 jours, hein. On va la laisser très très courte. Comme ça, quand ils vont nous voir, ils vont dire, ah, ça c'est des bons musulmans, ça. Hein? Subhanallah. Et ça, c'est le, ça, quand un musulman commence à penser comme ça, ça veut dire, les koufars ont réussi à le dévier. Les koufars ont réussi à le faire dévier dans sa compréhension de l'islam. Parce que, hein. Exactement. Pour un musulman qui est modéré, c'est, tu acceptes tout ce qu'ils font de coffre. et de péché et de haram. Si tu commences à leur faire la morale ou à leur dire non, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, ils ne vont pas aimer ça. Hmm? Si tu fais, s'ils sont là devant toi, tu commences à leur dire ça, ce n'est pas correct. Ah là, ça y est, t'es intolérant, t'es ci, t'es ça, hein? Ok. En tout cas, bon, revenons à notre sujet. Le cheikh il dit, il arrive à bihim al-kuffar. فَالَّذِينَ يَخْتَضُونَ Le cheikh il utilise ce verset-là pour montrer que ceux qui détestent les sahaba, hein, qui haïssent les sahaba, ce sont des kuffars et des munafiqins. Donc vous avez aujourd'hui parmi des gens qui disent qu'ils détestent les sahaba. Ils détestent les sahaba. Les chi'as, al-rafida, ils détestent les sahaba. Donc le cheikh il se base sur ce verset-là pour dire, et pas lui seulement, il y a des salafs qui ont même dit ça, comme l'imam Malik. Si quelqu'un déteste les sahaba, c'est la preuve qu'il est parmi les kuffars. Parce qu'Allah dit, il y a rien bien les kuffars pour mettre la rage chez les kuffars avec eux. C'est-à-dire, si quelqu'un a la rage contre les sahaba, ça veut dire qu'il est un kafir. Hein? Et donc, c'est une preuve de leur mécréance. Et les ulama ont utilisé ça comme pour la preuve que celui qui déteste les sahaba est un kafir. Il n'y a rien bien les kuffars. Donc, il mentionne ensuite le verset 8 dans Surat al-Hashr, qui dit « لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » Donc, ça c'est dans Surat al-Hashr, l'Exode, on dit en français, l'Exode. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les muhajirines qui sont al-fuqara, ceux qui étaient pauvres parmi les muhajirines qui ont été expulsés de leur demeure et de leur et qui ont été expulsés, ils ont perdu leur bien et leur demeure, mais ils recherchent la grâce d'Allah et son agrément. Et ils viennent en aide à la cause d'Allah et à son messager, ceux-là sont les véridiques. Hein? Ça, c'est la description qu'Allah donne des muhajirines. Puis ensuite, il décrit les ansar, il dit, et également ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, c'est-à-dire ils étaient déjà à Médine à l'avance, et dans la foi, ils aiment les gens qui ont fait le hijra vers eux. Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirines ont reçu. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, hein, même s'ils ont une pénurie chez eux. C'est-à-dire, même si eux, ils n'en ont pas beaucoup, ils préfèrent en donner aux muhajirines. Hein. Et quiconque se prémunit contre l'avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ça, c'est des versets qui ont parlé des ansar. Le cheikh dit, ça c'est pour la description des Ansar. Puis ensuite, on parle des tabi'in, ceux qui les ont suivis, qui sont venus après eux. Et ça, ça comprend tous ceux qui ont cru par la suite, après les sahaba, jusqu'au jugement dernier. Et c'est pour ça qu'après le verset, après ces deux versets-là, dans le verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui sont venus après eux, ils disent, notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne met pas de la haine dans nos cœurs pour nos frères, hein, pour ceux qui nous ont précédés dans la foi. Oh, et on est Rabbana, ô notre Seigneur, tu es le, c'est quoi le terme? Rabbana innaka ra'oufun rahim. Tu es le compatissant, le miséricordieux. Donc ça c'est, le cheikh dit ça c'est la description de la Umma en entier. La description de la Umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les muhajirin, les ansar et ceux qui les ont suivis par la suite de la meilleure façon jusqu'au jour du jugement dernier. Cheikh il dit فالواجب للصحابة محبتكم والثناء عليهم واتباعهم والاقتداء بهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم في أيام الفتنة لا تدخل في هذا أبدا أيها المؤمن ولا تخذ فيه ولا تخطئ بعضهم وتصوب بعضهم لأنهم مجتهدون رضي الله عنهم يريدون الحق فعليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم فيهم ويجب أن تحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أحب الصحابة فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم Donc le Cheikh dit l'obligation pour nous c'est d'aimer les Sahaba et de dire du bien à leur sujet et de les suivre et de les prendre comme exemple et de ne pas rentrer dans des débats ou des discussions au sujet de ce qui s'est produit entre eux à l'époque de la fitna et ne pas non plus le Cheikh dit n'entre pas là-dedans ô toi le croyant ne rentre pas dans les disputes à ce sujet-là et n'argumente pas là-dessus et ne dit pas que certains avaient tort ou que certains d'autres avaient raison, rentre pas là-dedans. Parce que ce sont des mujtahidins, ce sont des gens qui ont fait des efforts pour arriver à la vérité. Hein? Donc, ils voulaient tous la vérité, peu importe ce qui est arrivé, leur intention c'était une bonne intention. Donc toi tu dois garder ta langue et ne pas parler à leur sujet. Et c'est obligatoire également de garder le testament que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé par rapport à eux et le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a laissé hein, qu'on doit respecter par rapport aux sahaba après lui comme il a mentionné dans Al-Bukhari le muslim le hadith authentique il a dit n'insultez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit n'insultez pas mes compagnons parce que par celui qui détient mon âme en sa main, si l'un d'entre vous donnait en sadaqa la quantité de Uhud en or, eh bien, ça ne serait même pas équivalent à une poignée c'est-à-dire, si l'un d'entre vous vous donniez la quantité de la montagne de Uhud en or, eh bien, ça ne serait même pas équivalent à la quantité d'une poignée de main de ce que donne le sahabi, ou bien même la moitié de ça. Hein? Donc ça c'est pour nous dire que le sahabi, il dépasse tout le monde, même si c'est le moindre des sahabas. Et le cheikh dit ensuite, « وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ أَلَّهُ فِي أَصْحَابِي » Il dit, craignez Allah dans mes compagnons, en parlant de mes compagnons. لا تتخذوهم غرضا بعدي. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, غرضا. C'est pour ça, donc, je voulais chercher avant de venir, puis finalement, j'ai complètement oublié. Donc, demain, Inch'Allah, j'essaierai de vérifier, puis demain, je vous le dirai. Inch'Allah. وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم d'aimer les sahaba ça fait partie d'aimer le prophète صلى الله عليه وسلم donc celui qui aime les sahaba alors il a aimé le messager صلى الله عليه وسلم et celui qui a détesté les sahaba il a détesté le messager صلى الله عليه وسلم et c'est pour ça que c'est obligatoire pour de les aimer d'aimer les sahaba et d'aimer le de les aimer tous hein, et que Allah soit satisfait de tous Et ça, c'est la voie d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a par rapport aux Sahaba. Hein? Après, le Cheikh dit وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ مَعَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمِ وَالَّذِينَ ضَلُّوا فِي هَذَا عَلَى فَرِيقَيْنِ فَرِيقٌ نَوَافِذ فَرِيقٌ رَوَافِذ فالروافض يكفرون الصحابة ولا يستثنون إلا أربعة من الصحابة وهم علي وأبو ذر وسلمان والمقداد ابن الأسود ويغلون في علي رضي الله عنه ويقولون إن عليا هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خلافة أبي بكر باطلة وظلم واغتصاب وخلافة عمر وعثمان كلهم ظل كلها ظلم واعتصاب لأن الخلافة لعلي رضي الله عنه. أما النواصب فيبغضون عليا رضي الله عنه ويتكلمون فيه وفي أولاده. والخوارج كفروا الصحابة جميعا. Donc le cheikh il dit, parmi les groupes qui ont dévié au sujet des sahaba, il y a deux groupes. Ceux qu'on appelle les nawasib et ceux qu'on appelle les rawafid. Donc les rawafid, c'est ceux qui ont déclaré les sahaba kuffar. Ils ont déclaré les kuffar et ils ont uniquement épargné quatre d'entre eux. Ils ont dit, quatre ne sont pas kuffar mais tous les autres sont kuffar. Parmi les kafiki, c'est Ali, radiallahu anhu, Abu Dhar, Salman, Al-Farisi et Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ça, c'est les quatre. Ils ont dit ceux-là sont musulmans. Tous les autres sont kuffars. Et ils exagèrent à propos de Ali radiallahu anhu. Certains parmi eux, disent même que Ali est un dieu. Hein? Ils ont dit que Ali c'est Allah. Et il y en a d'autres qui disent que c'est le wasi du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que c'est lui qui est, disons, comment je pourrais dire, celui qui vient comme un lieutenant, celui qui remplace le prophète sallallahu alayhi wa sallam après son départ. Hein? Yani, en fait, c'est al-wasi, c'est celui qui est, yani, ils disent comme il est comme par exemple, par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme Haroun. Pour Moussa, donc des exemples comme ça. Et c'est une des choubhats que Abdullah ibn Sabah avait ramené justement. Il disait chaque prophète a un wasi, et mon wasi, c'est, il disait que le wasi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ali. Bien entendu, ça, c'est pas établi par aucune preuve. Et ils ont accusé, ils ont traité le khilafa de Abu Bakr comme étant quelque chose de faux. Ils ont dit que c'était son khilafa n'était pas valable. Et que c'était de l'injustice, et que c'était qu'il avait usurpé le pouvoir de Ali injustement. La même chose pour le khilafa de Omar et de Uthman. Ils ont dit que c'était de l'injustice et que c'était un vol. On avait volé, on avait usurpé le pouvoir de Ali radiallahu anhu. Donc, eux, ils croyaient que le khilafa devait appartenir à Ali. Et que, à cause de ça, ceux qui ont refusé de le donner à Ali sont tous kuffars. Et c'est là-dessus qu'ils se basent pour dire que les sahaba sont des kuffars. Amma al-nawasib fa yubghidun aliyan. Al-nawasib, c'est ceux qui détestent Ali et qui parlent contre lui et ses enfants. Tandis que les khawarij, eux, ils déclarent tous les sahaba kuffars, sans exception. Hein? الشيخ دي وأهل السنة والجماعة يتولون جميع الصحابة جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم ويتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم. نعم بعضهم أفضل من بعض. الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم من الصحابة. وأهل بدر أفضل من غيرهم. وأهل بيعة الرضوان والمهاجرون أفضل من الأنصار، ولكن التفضيل لا يقتضي انتقاء المفضول أو الكلام فيه. كلهم لهم فضل الصحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يقول que les gens de la sunna ils s'allient avec tous les sahaba sans exception. Tous les sahaba du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, que ce soit ceux qui font partie de Ahlul Bayt, hein, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille, les proches, ou bien les autres sahaba, on les aime tous, hein, et on ne fait pas de distinction entre eux. Certes, oui, il y a certains d'entre eux qui sont meilleurs que d'autres, comme les khulafa ar-rajidin, les quatre successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les 10 à qui on a promis le paradis, ils sont meilleurs que les autres parmi les sahaba. Et les gens de Badr, ceux qui ont participé à Badr, sont meilleurs que les autres, de même que ceux qui ont participé à la bay'a de bay'at al-Ridwan, et les muhajirins sont meilleurs que les ansars en général. Mais ça n'implique pas qu'on doit rabaisser les autres. Ça n'implique pas qu'on doit rabaisser les autres ou parler contre eux. Pas du tout. Parce qu'ils ont tous le mérite d'être d'être des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. فأهل السنة وسط في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج والنواصب يتولون الجميع ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقرونهم ولكنهم لا يغلون فيهم كغلو الرافضة حتى قالوا إن الخلافة لعلي ولذريته وأن الصحابة اغتصبوها وظلموهم ويلعنون أبا بكر وعمر ويسمونهم صنمي قريش ويسمونهم صنمي قريش قبحهم الله وكل آية فيها ظلم وكل آية فيها كفر ينزلونها على الصحابة. Le cheikh il dit les gens de la sunna sont dans le juste milieu au sujet des sahaba. Entre les rawafid, les khawarij et les nawasib, ils aiment tous les sahaba. Ils aiment les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les proches du messager sallallahu alayhi wa sallam parmi ses proches qui ont cru en l'islam. Et ils les honorent, ils les respectent. Mais ils ne vont pas dans l'extrême comme les shi'a rafida qui les adorent en dehors d'Allah. Et qui disent que le khilafa doit appartenir à Ali et à ses enfants. Et qui disent que les sahaba ont volé leur place injustement, ils leur ont fait de l'injustice, et qui les insultent, et qui insultent Abu Bakr et Omar, ils considèrent que ça fait partie de la religion de les insulter, et ils les appellent les deux idoles de Quraysh. Ils appellent Abu Bakr et Omar les deux idoles de Quraysh, que Allah les maudisse. Et le cheikh il dit, chaque fois qu'il y a dans le Coran un verset qui parle d'injustice, ou un verset qui parle de kufr, eux, ils disent ce verset-là est révélé pour Abu Bakr et Omar et les Sahaba. Ça c'est dans leur tafsir, dans les livres des Shia, les tafsirs des Shia, vous trouvez ça. Chaque fois qu'il y a un verset qui parle des Sahaba, ils disent ça c'est à propos des Sahaba. C'est ça qui est dans leur tafsir. Donc ça c'est à ce sujet-là. Après le Cheikh il dit, et un des signes de leur exagération aussi de l'extrême qu'ils font, l'extrémisme, c'est qu'ils les adorent en dehors d'Allah et qu'ils, sur leur tombe, ils construisent des oratoires, des dômes, des mosquées, et ils vont les adorer en dehors d'Allah. Ils font des pèlerinages à ces endroits-là. Ça, c'est des exemples d'extrémisme et d'exagération et de shirk. Comme en Irak, à Najaf, à Karbala et ailleurs. Et il y a aussi à Mazar Sharif et d'autres endroits aussi la même chose. الشيخ الزيد وقوله وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج وبين الروافد بين الروافد والخوارج والنواصب أيضا. الخوارج كفروا عليا وعثمان وكثيرا من الصحابة بينما الروافد على العكس غلوا في علي رضي الله عنه واعتقدوا أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو الوصي وأن الصحابة ظلم اغتصبوا حقه والخوارج كفروا عليا والصحابة بينما الروافض بالعكس غلوا في علي حتى إن غلاتهم يقولون هو الله والذين دون الغلات لا يقولون هو الله ولكن يكفرون الصحابة ويصفونهم بالظلم والطغيان ويلعنونهم ويشتمونهم فهم على طرفي نقيض. الشيخ الزي Donc les gens de la sunna, les gens qui sont sur la sunna, ils sont dans le juste milieu au sujet des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, entre les rafida et les khawarij. Entre les rafida et les khawarij et les nawasib aussi. Donc les khawarij, ils déclarent Ali, Uthman et tous les autres sahaba kuffar. Ils ont même tué Ali et ils ont tué Uthman, radiallahu anhu. Ils les ont tués. Donc ça, c'est des exemples comment les khawarij, ils n'ont pas de respect pour personne. Les rafidats, c'est le contraire. Les nawasib aussi, ils n'aiment pas Ali. Les khawarij, c'est le contraire. Ils ont adoré Ali. Ils ont exagéré à son sujet, ils l'ont tellement élevé. Les rafidats, oui. Les rafidats, c'est le contraire. Ils ont adoré Ali et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils en ont fait des semi-divinités ou des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils ont dit que c'est eux qui devaient avoir la succession après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. Donc c'est le contraire des khawarij et des nawasib. Donc, ils ont dit que les autres sahaba ont volé leur place, leur ont fait de l'injustice, ainsi de suite. Et les khawarij, ils ont déclaré Ali kafir, de même que tous les autres sahaba. Tandis que les rafidah, eux, ils disent le contraire, ils ont fait l'exagération à propos d'Ali, jusqu'à ce que certains d'entre eux, comme les cheikhs ils disent, ils ont dit que c'est Allah. Ils ont dit que Ali est Allah. Ça, c'est les extrêmes parmi eux. Et ceux qui ne sont pas parmi les extrémistes parmi eux, ils ne disent pas que c'est Allah, mais ils l'adorent quand même en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, ils vont à sa tombe et ils font des pèlerinages là-bas. Et ils déclarent les sahaba kuffars. Ils disent qu'ils sont des injustes et des transgresseurs. Ils les insultent et ça fait partie de leur voix. Donc, c'est deux groupes extrémistes. Après le Cheikh dit « أهل السنة والجماعة كما ذكرنا تولوا جميع الصحابة وعرفوا قدر أهل البيت ولم يفرقوا بين أحد منهم عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب وهذا هو المذهب في الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الأمة قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهم خير القرون وهم أفضل الأمة وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين نشروا الإسلام لما تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة وبلغوه للأمة من أين وصلنا هذا الإسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فالأحاديث كلها رواتها من الصحابة رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل أن هذه عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة والذين يقولون إن الشيخ خارجي فإنه وأنه يكفر فقد كذبوا عليه الشيخ الزي كرهد أهل السنة والجماعة كما نأتي ils aiment tous les sahaba et ils ont reconnu la valeur et le mérite des gens de Ahlul Bayt, des gens de la famille et des proches du professeur Sallam. Ils ne font pas de distinction entre eux. Ils prennent en considération le conseil du professeur Sallam au sujet des sahaba. Et ça, c'est la voie des gens de la sunna, au sujet des sahaba. Ce sont les meilleurs de la umma, radiallahu anhum. Et le professeur Sallam a dit, les meilleurs de ma umma, c'est les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc, ça, c'est les meilleurs siècles, c'est les meilleurs de la Ummah, et ce sont eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué de suivre, et de prendre leur exemple, et également nous a enjoint de les suivre, etc. Et c'est eux qui ont transmis l'islam, et qui ont porté ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous l'ont transmis jusqu'à nous, et pour toute la Ummah. Donc, comment l'islam nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, excepté par les sahaba? Donc, ce sont eux l'intermédiaire entre nous et le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les hadiths nous ont été transmis par leur intermédiaire. C'est eux qui nous les ont transmis de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même le Coran, c'est eux qui nous l'ont transmis aussi. Donc, alhamdoulilah, le cheikh dit, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer à la fin de ce chapitre? C'est que la aqidah du cheikh Mohamed Abdou Wahab, ici qu'on a lu, c'est là, cet aspect-là, c'est un autre aspect de la aqidah d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Et ça, c'est pour dire que ceux qui prétendent que le cheikh Mohamed Abdou Wahab est un khariji, et qu'il était sur la voie des khawarij, et qu'il déclare les musulmans pour ça, ils ont menti au sujet du cheikh Mohamed Abdou Wahab. Donc nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et demain, bi'ithnillah, on continuera la suite de cette aqida de l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab, et on va expliquer la foi en ce qui a rapport avec la parole d'Allah, qui est le Coran, et qu'elle n'est pas créée. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.